19, activation orale, vouloir, présent de l'indicatif. Répondez selon l'exemple. Vous entendez? 1. Vos parents ont de l'argent? Vous dites? Oui, mais nous voulons être indépendants. 2. Tes parents ont de l'argent? Oui, mais je veux être indépendante. 3. Les parents de Robert ont de l'argent? Oui, mais il veut être indépendant. 4. Les parents de Mireille ont de l'argent? Oui, mais elle veut être indépendante.